17-6. Observation. Métier. Au masculin et au féminin. Un berger. Une bergère. Un boulanger. Une boulangère. Un boucher. Une bouchère. Un infirmier. Une infirmière. Un fermier. Une fermière. Un ouvrier. Une ouvrière. Comparer avec chair, chair et premier, première. Notez que certains noms de métiers masculins qui se terminent en ER ou en IER n'ont pas de forme féminine courante. C'est le cas par exemple de charpentier, charbonnier, bouvier, chevrier, forestier et pompier. Maintenant, pour les esprits curieux et exigeants, notez que le féminin couturière correspond au masculin couturier. Mais couturier et couturière sont deux métiers assez différents. Un couturier crée des vêtements pour femmes, très chers. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Sonia Riquiel sont des couturiers. Une couturière est une ouvrière qui fait ou modifie des vêtements. Couturier est une profession plus prestigieuse que couturière. On parle en général de grand couturier et de petite couturière. Coco Chanel, Schiaparelli, Sonia Riquel, Agnès B. et Madame Gray, qui sont des femmes, ne sont pas des couturières, mais de grands couturiers.